Imagine une France sans Sarkozy, sans la droite de Jean-Marie Le Pen, la corruption des flics moisis, des juges droits comme une pinte de rabzou et des procs trop vénères après un verre de vodka dans les fêtes. Ce mois-ci, peut-être trop de gâteaux pires, on laisse pas de chance à Mamadou, Mohamed, pourtant s'assise. Y'a plus de gosses, des papes, tout façon, tout genre de gosses, poisson. J'risque un coup de scie, perquise dès le matin, puis t'as droit gratuit, t'en bats devant les petits, allume ton garci. Ici aussi, on est des gros loups. Y'en a qui font du rap, toi t'es guette à mon gros loup. Massif, on appelle ça loi du talion. Rayon, tous des coups jusqu'au carcif. Au chaos, brise sur les chaînes. Des portes douces, n'est qu'une plaie à refermer. Allez ta rue pour un désir. Police, les gens qui ont le droit sur nous. Police, faut rappeler qu'on n'est pas chez nous. Police, la mafia, les mafias. Par un contrôle de routine, ils repartent avec des traces de sang sur leur bottine. Je te laisse imaginer la suite. Répression sans précédent et l'officier sort d'une cuite. C'est la nouvelle en vogue et souvent les mêmes visées, les mêmes catalogués. Négro bigot en plein dans la cible. Face à la justice, on ne sait jamais de quoi on est passible. Justice et loi sont réservées pour les castes et ces dérives racistes réservées aux arabes et aux blacks. En somme, c'est ce que l'on vit dans nos zones. Quartier quadrillé, les climats morts. On dit qu'ils cherchent, je trouve tant de frères prennent des peines, ferment nos trous aux armes de patience. On se casse, puis on scanne, pas de chance. Pour nous, le ghetto n'est qu'un vulgaire passe-temps. J'ai joué, j'en paye le prix, prisonnier entre quatre murs. Tu parles de réinsertion, rien à faire sans l'amour des miens. Mon cœur est vide, y'a rien, la ferme chante. Mon désespoir incite ceux de mes Kaira. On se crée des espaces pour s'évader. Comprends-tu pourquoi mes Kaira? Des gens qui ont le droit sur nous. Faut rappeler qu'on n'est pas chez nous. La mafia, les mafias, aux criminels, assassinent les petits juguets. Les gens qui ont le droit sur nous. Faut rappeler qu'on n'est pas chez nous. La mafia, les mafias, aux criminels, assassinent les petits juguets. A chaque fois qu'on met les menottes, j'ai l'impression d'être un clébard. À qui on a mis une laisse et avec qui on se tape des barres. La police sont toujours là pour inquiéter les honnêtes gens. Ça va des mecs qui rament au taxi quand il fait noir. La justice est corrompue, les avocats sont de mèche. Devant tes 20 000 euros cash, on venir plaider à la barre. Et quand ça tue, c'est verbeux. Sauf quand tu t'appelles Patrick. Et assez franc, c'est assez franc. Pas confondre avec comment. Beaucoup veulent nous voir en cadavre. Air difficile où la guerre déclarée âpre. Pour nous, ils organisent des rafles. Ça rappelle ces années 40 d'Hitler à l'odeur acre. Des gens qui ont le droit sur nous. Faut rappeler qu'on n'est pas chez nous. La mafia, les mafias, aux criminels, assassinent les petits juguets. Des gens qui ont le droit sur nous. Faut rappeler qu'on n'est pas chez nous. La mafia, les mafias, aux criminels, assassinent les petits juguets. La police est vide en eau. La police est vide en eau. La police est vide en eau. La police est vide en eau. La police est vide en eau. La police est vide.